Chapitre 35e. Marthe avait espéré qu'après la triste cérémonie, elle pourrait amener son père à Châteaupignon. Mais quand elle lui avait parlé de ce voyage, il s'était refusé à l'entreprendre. « J'ai affaire à Paris », avait-il répondu. Ce qu'il appelait avoir affaire, c'était s'enfermer dans la chambre où sa femme était morte et rester là, à marcher de long en large, en regardant la traînée de sang qui avait taché le tapis. Il n'avait pas voulu qu'on touchât cette chambre, elle était restée dans l'état où elle se trouvait, au moment où l'on avait emporté pour jamais celle qu'il avait tant aimée. Marthe alors avait prié son grand-père de retourner à la Quétive. Devant toi, il a honte de pleurer. Lorsque je serai seul avec lui, il ne se roidira plus contre sa douleur, et se laissera peut-être plus facilement guider. M. Hazembert avait accepté cette proposition avec bonheur. Maintenant, il n'avait plus rien à craindre pour sa petite fille. Paris lui brûlait les pieds, comme il disait lui-même. D'un autre côté, il était bien aise d'échapper aux questions de M. Denis, car aussitôt que celui-ci était seul avec lui, c'était pour l'interroger sur ce qui s'était dit au lit de sa femme. « C'est vous qui avez eu ces dernières paroles, mon ami, répétez-les-moi. » M. Hazembert répétait ce que Mme Denis lui avait dit pour le mariage de Marthe. Mais ce n'était point assez pour satisfaire la curiosité de ce malheureux, qui cherchait toujours, sans oser aller franchement au fond des choses et sans oser se préciser à lui-même ses craintes. Restée seule avec son père, Marthe ne le quitta plus. Tout d'abord, il voulut aller sans elle au cimetière. Mais alors qu'il se prépara à sortir, il la trouva sous le vestibule, le chapeau sur la tête, et il ne put pas l'empêcher de prendre son bras. Il voulut aussi continuer à s'enfermer dans la chambre de sa femme, mais elle lui demanda de rester pendant ce temps dans la chambre voisine, et il n'osa pas la refuser. Une fois qu'elle eut obtenu cette concession, elle demanda de laisser la porte de communication ouverte, et il céda, comme il avait toujours cédé. C'était beaucoup d'avoir gagné qu'il ne resta pas concentré dans son désespoir, mais ce n'était pas assez. Cette triste vie inoccupée, dans cette maison lugubre, où tout lui parlait de sa douleur, le dévorait rapidement. La fièvre ne le quittait plus ni le jour ni la nuit. Marthe, le voyant s'affaiblir chaque jour, se plaignit d'être malade et demanda à consulter Carbonneau, auquel elle écrivit en secret pour lui expliquer l'état de son père. Carbonneau arriva le lendemain, et après avoir examiné Marthe, il demanda à M. Denis un entretien particulier. Si cette jeune fille reste à Paris, son état, qui n'a rien d'inquiétant en ce moment, peut devenir très grave. Si vous l'emmenez à la campagne, je vous donne ma parole qu'elle se portera bien. » M. Denis, déjà inquiet, ne pouvait pas résister à cette ordonnance et le soir même, il partait pour Bordeaux. Marthe avait espéré qu'il voudrait, en arrivant, aller à son comptoir du quai des Chartrons. Mais pendant tout le voyage, il n'en dit pas un mot. Et si, en descendant de chemin de fer, elle ne lui en avait pas parlé, il serait immédiatement parti pour Châteaupignon. « Allons donc voir comment les choses se passent au bureau quand on ne t'attend pas, » dit-elle. « Ce sera une surprise, et puis en même temps, cela fera plaisir à M. Larosa, que tu ne passes pas à Bordeaux sans le voir. » M. Larosa était le gérant que M. Denis avait à la tête de sa maison pour la diriger pendant son séjour à Paris. Il se laissa conduire sans résistance, mais aussi sans empressement, et quand il s'assit dans le fauteuil, devant le pupitre où pendant si longtemps il avait travaillé, il ne laissa paraître sur son visage éteint aucune émotion. « Je suis bien heureux de vous voir, » dit le gérant. « J'allais vous envoyer une dépêche. Faut-il vendre les cargaisons attendues du Congo, des deux frères et du Phénix? Il y a une hausse considérable. Faites ce que vous voudrez et comme vous voudrez. Vous êtes le maître de la maison. Je ne suis rien. » Il fut impossible d'en tirer une autre réponse, et après être resté une heure, il demanda à s'en aller. Il n'avait pas voulu regarder un seul livre, ni ouvrir une seule lettre. Au lieu de revenir par la route directe, Marthe voulut suivre les quais et passer par la bourse et le théâtre pour gagner les allées de Tourny. Elle avait espéré rencontrer des amis de son père et rejeter ainsi celui-ci dans ses anciennes idées. On l'interrogerait, il parlerait, il serait secoué et forcément tiré de son inertie morale. Mais l'heure était trop matinale. Ils ne rencontrèrent pas ceux sur lesquels elle comptait. Cependant, en arrivant au milieu des allées de Tourny, elle aperçut M. de Chalus. Mais celui-là, elle lui voulut l'éviter. Par malheur, cela était impossible, car le préfet, qui n'était qu'à une courte distance, arrivait sur eux. Il vint à M. Denis, les bras ouverts, la figure désolée. Jamais comédien n'avait pris meilleure attitude pour représenter la douleur sur la scène, ce qui, comme chacun le sait, s'obtient par des procédés traditionnels qui n'ont rien de commun avec la nature. « Ah, mon cher ami, s'écria-t-il d'une voix étouffée par l'émotion, mon pauvre ami. Et devant les passants matineux, au pied de la statue de Napoléon III, qui du haut de son cheval de bronze semblait contempler cette scène, il embrassa M. Daunis. « Comme j'ai pris part à votre malheur !» continua M. de Chalus. « Comme j'ai pensé à vous ! Quelle catastrophe ! Une personne si accomplie, si remarquable, si belle, si pleine de qualités et de vertus ! Au moins, ce vous est un soulagement de penser que Dieu l'a reçue près de lui ?» Il eut continué longtemps à enfiler ainsi des phrases toutes faites qui traînaient dans sa mémoire, s'il n'avait pas rencontré le regard de Marthe. Mais ce regard posé sur lui avec une fixité étrange lui fit croire qu'il jouait à faux. Il changea de manière. « Ainsi, dit-il, ce malheur affreux est arrivé au moment où elle prenait votre revolver dans un meuble ?»« Oui, dit M. Daunis, qui éprouva un sentiment de satisfaction à voir que la fable qu'on avait inventée pour le monde était admise à Bordeaux. Ce que c'est que la vie ? Aussi, je comprends très bien, malgré le désappointement que cela me cause, que dans votre désespoir, vous ayez donné votre démission. Nous nous devons à notre pays, cela est vrai, mais avant tout, nous nous devons à nos sentiments. De même, je comprends que mademoiselle ait renoncé à certains projets pour se consacrer entièrement à son père. C'est une Antigone. » Et après avoir serré les mains de M. Daunis, il s'éloigna fort satisfait de lui-même. Marthe, en quittant Paris, avait envoyé une dépêche télégraphique à Châteaupignon pour que la calèche allait les attendre à l'hôtel des Allées de Tourny. Ils purent monter immédiatement en voiture et partir pour Châteaupignon. Enfoncé dans le coin de sa voiture, M. Daunis ne disait pas un mot. Ses souvenirs l'étouffaient. Combien de fois il avait fait cette route avec elle ? Devant ses yeux, il avait toujours le voile gris dont elle s'enveloppait la tête. Cependant, elle n'était plus là, et sa place dans la calèche était vide, car Marthe, qui n'avait pas voulu la prendre, s'était assise à reculons en face de son père comme autrefois. En arrivant à la montée, les chevaux s'arrêtèrent comme ils en avaient l'habitude, et la vieille mendiante vint leur tendre la main. Elle était devenue complètement aveugle. « C'est M. Daunis, dit-elle, j'ai reconnu la calèche. Vous allez bien, mon bon monsieur, et vous aussi, ma bonne dame. » Les larmes emplirent les yeux de M. Daunis. « Donne-lui ce que tu as d'argent sur toi, » dit-il à sa fille. « Ah, c'est la demoiselle qui est là. Pardonnez, je suis tout à fait aveugle maintenant. » En arrivant au château, M. Daunis voulut aller s'enfermer seul, dans sa chambre. Mais Marthe monta avec lui, et après quelques instants de repos, elle le décida à faire une promenade dans les jardins. Il se laissa conduire, mais partout ce fut le même abattement. Il ne dit rien au jardinier, et il le répondit à peine. De temps en temps seulement, devant un arbre, devant une plante, il s'arrêtait, et des larmes lui montaient aux yeux. La journée fut longue à passer. Le dîner surtout fut cruel dans la grande salle déserte, sous les regards du maître d'hôtel, qui, pour cette circonstance, avait cru devoir accentuer davantage la sévérité de sa tenue. Marthe avait fait dresser un lit dans un cabinet auprès de la chambre de son père, mais M. Daunis ne voulut pas qu'elle l'occupât. Vers le milieu de la nuit, elle crut entendre du bruit chez son père. Elle descendit rapidement et elle écouta sa porte. On entendait des soupirs et des sanglots étouffés. Comme la porte de la chambre était fermée, elle entra dans un cabinet de toilette. Ce n'était point de la chambre de son père que partaient ses soupirs et ses sanglots, mais celle de sa belle-mère. En arrivant sur le seuil de cette chambre, elle aperçut son père à genoux au milieu du tapis, la tête appuyée sur un fauteuil. Il avait allumé toutes les bougies des candélabres, et autour de lui, sur les fauteuils, sur les tables, par terre, il avait étalé les objets qui avaient appartenu à sa femme. Entouré de ses souvenirs, qui pas à pas l'avaient fait remonter dans sa vie heureuse, il s'était laissé aller à son désespoir, et il pleurait en toute liberté. Marthe s'approcha doucement de lui, mais en l'entendant, il poussa un grand cri et se renversa. Elle vint vivement à lui et l'aida à se relever. Il était brûlant, dévoré par la fièvre. Avec de douces paroles, le plaignant, l'embrassant comme un enfant, elle le décida à se coucher. Puis, lui ayant préparé une boisson calmante, elle le força à la boire. Alors elle s'installa auprès de son lit pour le veiller et plus encore pour tenir sa main dans les siennes. Il finit par s'endormir et peu à peu, les mouvements convulsifs qui le secouaient s'apaisèrent. Au jour levant, il s'éveilla, s'agita dans son lit. Marthe se pencha sur lui. Il ouvrit les yeux et, la reconnaissant, il l'embrassa tendrement, plus tendrement qu'en ces derniers jours. Elle poussa les volets et la fraîche lumière du matin emplit la chambre. Dans le jardin, les oiseaux chantaient. Au loin, des petits flocons de brouillard s'élevaient au-dessus du cours de la Gironde. M. Denis resta durant près d'une heure, les yeux tournés vers la campagne, suivant évidemment sa pensée intérieure, puis, serrant la main de sa fille, « Il faut lui écrire, dit-il, lui écrire de venir. Il faut que j'aie tes enfants aimés. Je ne me consolerai jamais qu'avec un petit être faible et enfant comme moi. » Le mariage se fit quelques mois après à la mairie de Pressac, qui ce jour-là se trouvait précisément en désarroi à cause d'un grand banquet donné aux pompiers pour leur présenter Saint-Austrebert. C'était le candidat que M. de Chalus promenait maintenant et appuyait pour remplacer M. Denis. Naturellement, l'élection fut favorable à Saint-Austrebert, qui fut nommé avec une magnifique majorité. Par malheur, le 4 septembre a interrompu la belle carrière politique qui s'ouvrait devant lui. Mais cette révolution ne l'a pas découragé. Il attend Napoléon IV et travaille habilement à son retour. Si vous passez le soir sur le boulevard, entre 5 et 6 heures devant le Café de la Paix, l'Empire c'est la paix, vous le verrez entouré de ses amis. Si vous ne le reconnaissez pas, cherchez celui qui regarde la foule avec le plus d'arrogance et de mépris, c'est le vicomte de Saint-Austrebert. N'ayant pas d'ambition politique ni de besoin, Philippe a mené une vie plus calme. Il est l'associé de son beau-père et son temps se partage entre le comptoir des Chartrons et Châteaupignon. Les années ont passé sur la douleur de M. Denis, qui, pour consolation, a eu 2 enfants à aimer. Malheureusement pour lui, ce sont 2 garçons, et il voudrait une fille, qu'il peut appeler Léonore. Marthe est enceinte, et il reprend espérance. Marthe, au contraire, s'effraie, car ce nom donné à sa fille la désolerait dans le présent et l'épouvanterait pour l'avenir. Philippe la rassure et lui affirme qu'elle aura 1 troisième garçon. Il en est certain. Ainsi s'achève La belle Madame Denis par Hector Malot.